Tite chapitre 3. Avertis-les d'être soumis aux principautés et aux puissances, d'obéir aux gouverneurs, d'être prêts à faire toutes sortes de bonnes actions. De ne médire de personne, de n'être point querelleur, mais doux, et montrant une parfaite douceur envers tous les hommes. Car nous étions aussi autrefois insensés, rebelles, égarés, asservis à diverses convoitises et voluptés, vivant dans la malice et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant l'un l'autre. Mais quand la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour envers les hommes, ont été manifestés, il nous a sauvés, non par des œuvres de justice que nous eussions faites, mais selon la miséricorde, par le baptême de la régénération, et le renouvellement du Saint-Esprit, lequel il a répandu abondamment en nous par Jésus-Christ, notre Sauveur, afin qu'ayant été justifiés par sa grâce, nous soyons les héritiers de la vie éternelle, selon notre espérance. Cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu, et soient les premiers de s'appliquer aux bonnes œuvres, voilà les choses qui sont bonnes et utiles aux hommes. Mais réprime les folles questions, les généalogies, les contestations et les disputes de la loi, car elles sont inutiles et vaines. Rejette l'homme hérétique, après le premier et le second avertissement. Sachant qu'un tel homme est perverti, et qu'il pêche, étant condamné par soi-même. Quand j'enverrai vers toi Artéma, ou Tychique, à toi de venir vers moi à Nicopolis, car j'ai résolu d'y passer l'hiver. Accompagne soigneusement Zéna, docteur de la loi, et Apollo, afin que rien ne leur manque. Que les nôtres aussi apprennent à être les premiers à s'appliquer aux bonnes œuvres, pour les usages nécessaires, afin qu'ils ne soient point sans fruit. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salut ceux qui nous aiment la foi. Grâce soit avec vous tous. Amen.